الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 13 dans l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Et on continue donc dans l'explication des versets qui consistent à faire comprendre, barakallahu fik, qui consiste à expliquer la signification de Al-Awliya, les alliés d'Allah, les serviteurs rapprochés d'Allah, et qui ils sont. Et hier on a expliqué un point important que le Cheikh il a mentionné, Cheikh Ibn Taymiyyah, et c'est que les plus importants parmi les awliya d'Allah, ce sont les prophètes. Et que parmi les prophètes, les meilleurs awliya parmi les prophètes sont les messagers. Et que parmi les messagers, il y en a 5 qui sont meilleurs que les autres messagers qu'on appelle ulul azm. Hein? Et on était en train hier d'expliquer justement ces 5-là qui ils sont. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad alayhim salatu wassalam. Donc ces 5-là sont ulul azm. Donc le Cheikh il mentionne, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne le verset 13 dans Surah Shura, dans lequel ces prophètes, ces 5 prophètes et ces 5 messagers sont mentionnés. Et il dit: قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Et il explique donc ce verset. On va lire donc sa signification. Et il signifie que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour vous de la religion ce qu'il avait enjoint à Noé et ce qu'il a révélé sur vous, sur toi, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce que nous avons enjoint également à Ibrahim et à Moussa et à Isa, c'est-à-dire d'établir la religion et de ne pas vous diviser dans celle-ci, de ne pas vous diviser dans la religion. Et ça c'est ce qui nous a été révélé à nous et ce qui a été enjoint à tous les messagers avant, parmi les 5 grands messagers d'Allah. Cheikh Al-Fawzan il explique ce verset là, il explique, il dit: Allahu Azza wa Jal wassa Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bima wassa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa alayhi salatu wa salam fadinu l'anbiya'i wahid wa huwa at-tawhid wa ibadatullahi wahdahu la sharika lah wa in ikhtalafat shara'i'uhum fa inna dinahum wahid. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit que Allah Azza wa Jal il a enjoint à Muhammad صلى الله عليه وسلم ce qu'il a enjoint à tous les autres grands prophètes avant lui, comme Nuh, Noé, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Isa, Jésus, alayhi salatu wassalam. Et donc, ça c'est la preuve que la religion d'Allah est unique. Il y a une seule et unique religion, et c'est At-Tawhid, c'est l'unicité d'Allah. Et c'est d'adorer Allah lui seul, sans associé, sans partenaire, même si les législations et les lois qui ont été révélées à chacun de ces messagers-là peuvent être différentes, d'un messager à l'autre. C'est possible qu'ils aient des législations ou des lois qui sont différentes et des règlements dans leur religion qui soient différents d'un prophète à l'autre. Mais la religion et le fondement de cette religion-là, qui est le tawhid, l'unicité d'Allah, c'est le même tout le temps. Et c'est la même religion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ummahatuhum shatta » وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ. Donc les prophètes, les prophètes sont des frères. Les prophètes sont comme des frères et ils ont plusieurs mères, mais leur religion est unique. en voulant dire qu'ils ont plusieurs législations, mais le message fondamental de leur religion, c'est le même, c'est l'islam, c'est la soumission et c'est l'unicité d'Allah. Après, le cheikh il dit wa aqim an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. Wa ma alladhi wassa bihi ha'ula an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. Iqamat wa iqamatu ad-din ikhlasu al-ibadati lillah ala wifq ma shara'a. يعني لا بد من شرطين: الإخلاص وموافقة الشرع. والشرع يختلف في كل زمان بحسب وقت الأنبياء السابقين. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شكرا يا أخي، بارك الله فيك، بارك الله فيك، الحمد لله. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فعبادة الله هي عبادته بما شرع في كل وقت بحسبه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a enjoint à tous ses messagers la même chose, c'est-à-dire d'établir la religion et de ne pas se diviser dans la religion. Et donc, quand il dit d'établir la religion, an aqimu ad-din, yani le cheikh dit wa iqamatu ad-din, le fait d'établir la religion, ça signifie de purifier notre adoration pour qu'elle soit exclusive à Allah seul et de l'adorer de la manière qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ça veut dire que ça doit respecter, c'est-à-dire notre adoration, elle doit respecter deux conditions. La première, c'est al-ikhlas, le fait d'avoir de la pureté, la sincérité dans notre adoration. Et la deuxième condition, c'est que notre adoration soit en accord avec la législation, en accord avec la révélation, al-shara. Et il explique que la législation et la révélation est différente selon l'époque et selon les prophètes précédents. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 48 dans sourate Al-Ma'ida: wa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Yani, on va regarder le verset 48. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et à chacun nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Une législation et une voie à suivre. Donc, chaque prophète et chaque messager sont venus avec le tawhid et sont venus avec une loi qui correspondait à leur époque. Les prophètes précédents et les messagers précédents, chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, leur a légiféré des choses. Et le cheikh dit, l'adoration d'Allah, c'est l'adoration d'Allah parce que Allah a révélé à chaque époque selon ce qui a été révélé aux prophètes de cette époque-là. C'est-à-dire d'établir la religion et de ne pas se diviser. Et donc, on sait que, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, tous les prophètes qui sont venus avant, leur révélation était limitée à un peuple spécifique et à une époque spécifique. Tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers, et sa révélation, elle est jusqu'à la fin des temps, et elle est pour tous les peuples, sans exception. Et il dit ensuite, donc, établissez la religion et ne vous divisez pas. Donc, vous devez être une umma unie, une seule nation. Et il dit, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, le verset 52 dans Surat al-Mu'minun. Votre nation, c'est une nation unique, une umma unique. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan fala yajuzu at-tafarruq fi ad-din li'anna ad-din wahidun fala yajuzu at-tafarruq fihi kullun lahu dinun wa kullun lahu nihlatun wa kullun lahu tariqatun wat-tariqu wahid ad-din wahid wa huwa din Allah subhanahu wa ta'ala. Ma nabtakir shay'an min 'indina Donc le cheikh il dit qu'on n'a pas le droit de se diviser dans la religion, que la religion d'Allah elle est unique, qu'il n'est pas permis de se diviser dans la religion, et il dit donc on ne doit pas être comme si chacun a sa propre religion, chacun a sa voie, chacun a son chemin, hein. Non, le chemin d'Allah c'est un chemin unique, la religion d'Allah c'est une religion unique, et c'est la religion d'Allah, et on ne doit pas rien inventer de soi-même, hein, dans la religion. Ensuite, le cheikh il cite un autre verset. وَقَالَ تَعَالَى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il cite un autre verset dans lequel il y a la mention des cinq prophètes qui sont hein, les cinq les cinq messagers qui détiennent ou qui possèdent la force et la détermination parmi les messagers, les cinq meilleurs et les cinq plus grands. Et il cite à ce sujet-là le verset 7 et 8 dans Sourate Al-Ahzab. Donc on va lire ensemble ce verset-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit: et lorsque nous avons pris des prophètes, leur engagement, de même que de toi, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même que Noé, Abraham, Moïse et de Jésus, le fils de Marie. Et nous avons pris d'eux un engagement solennel afin qu'Allah interroge les véridiques sur leur sincérité et il a préparé aux mécréants un châtiment douloureux. Et naam. Donc ça c'est le verset, les deux versets que le cheikh il a cité. Puis après avoir mentionné ça, il dit: et le meilleur parmi les cinq, hein, Ulul Azm, les cinq grands prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il explique, il dit: wa hadhihi al-ayat al-thaniya allati dhakara Allah fiha ulul azmi fi surat al-ahzab ha'ula'i humul khamsa ulul azm wa afdalu ulul azmi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li'annahu imamul mursalin وميزه الله بمزايا ليست عند غيره ومنها أنه بعثه إلى الناس كافة وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة وهذا الرسول بعث إلى الناس كافة وشريعة كل رسول تنتهي وتنسخ بشريعة بعدها إلا هذه الشريعة فإنها باقية إلى أن تقوم الساعة فهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومما يدل على فضله صلى الله عليه وسلم على غيره من المرسلين ومن بعده ومن بعده إبراهيم وبعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم أفضل أولي العزم الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام قال عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فهو أفضل الخليلين والخليلان أفضل أولي العزم وهذا كما قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولكن يلاحظ أنه لا يجوز التفضيل بين الأنبياء من باب المفاضلة أو تنقص المفضول هذا لا يجوز وإنما من باب التحدث بنعمة الله عز وجل لا من باب تنقص المفضول ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى مع أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس وغيره ولكن إذا كان هذا من باب المفاضلة أو تنقص المفضول فهذا لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء يعني نهى عن المفاضلة بين الرسل min babi tanaqqus al-mafdhul wal-mufakhara. Donc le cheikh explique que dans ce deuxième verset qui est cité, c'est les cinq grands messagers qui sont mentionnés dans sourate al-Ahzab, et ensuite il explique que le meilleur d'entre ces cinq, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le chef ou le guide des messagers, et Allah il l'a distingué et il lui a donné des particularités par rapport aux autres messagers que les autres n'ont pas. Et parmi ces particularités là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à tous les hommes sans exception, hein, tandis que les messagers précédents, comme on disait tout à l'heure, ils avaient été uniquement envoyés à un peuple spécifique. Et également, la sharia de chaque messager, elle se termine et elle est abrogée par la sharia de celui qui le suit ou qui vient après lui. Excepté cette sharia, c'est-à-dire la sharia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est la dernière, donc c'est elle qui va rester jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'heure du jugement. Ça fait partie de ses particularités. Et il dit, parmi les choses qui montrent son excellence et son mérite sur les autres parmi les messagers, yani ça fait partie de ces exemples-là. Et après lui, c'est-à-dire le meilleur après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi les cinq, c'est Ibrahim alayhi salam. C'est lui, yani le deuxième après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les deux meilleurs sont, hein, Al-Khalilan, les deux aimés d'Allah, hein, les deux aimés d'Allah. Parce que Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a pris comme un Khalil. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a pris comme un Khalil aussi. Et il mentionne dans le verset 125, dans sourate An-Nisa, et Allah a pris Ibrahim comme Khalil. Khalil, ça veut dire qu'il l'a pris comme quelqu'un qu'il aime, hein, grandement, il l'aime beaucoup. Et la même chose pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yani, il l'a pris comme Khalil aussi. Donc c'est l'aimé d'Allah. Et Al-Khulla, en arabe, c'est une forme d'amour, hein, c'est une catégorie d'amour, un niveau élevé d'amour. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a aimé ces deux prophètes d'une manière, hein, supérieur, d'une manière particulière par rapport aux autres. Et il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des deux Khalil, hein? Et les deux Khalil, Ibrahim et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les deux sont les meilleurs de Ulul Azm. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 253 qu'on a cité hier, certains messagers, nous avons préféré certains d'eux au-dessus d'autres. Mais il faut remarquer une chose importante, qu'il n'est pas permis de faire de préférence entre les prophètes et de dénigrer ou de rabaisser celui qui est moins privilégié ou qui est moins important qu'un autre parmi les messagers. Donc c'est pas permis de faire des disputes ou des compétitions pour prétendre qu'un prophète est meilleur qu'un autre ou pour dénigrer un par rapport à l'autre, hein? Donc si on mentionne qu'un est meilleur que l'autre, c'est uniquement dans le sens de parler de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, mais pas dans le sens de vouloir dénigrer ou rabaisser les autres, d'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans la tufarriqu bayna ahadin min rusuli, la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Fait pas de distinction entre les messagers. Tous les messagers sont venus avec la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Abbas, vous ne devez pas, ou il ne vous est pas permis, ou il n'est pas permis à un serviteur de dire je suis meilleur que Yusuf ibn Matta. Hein? De dire que je suis meilleur que Yunus ibn Matta. C'est-à-dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que Yunus. Le prophète Jonas. Malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était meilleur que Yunus alayhi salam. Hein, et meilleur que les autres messagers. Mais si c'est dans le sens de vouloir dénigrer les autres ou bien faire de la de la de du yani de comme pour dire mon prophète il est meilleur que votre prophète ou des choses comme ça, puis tu veux faire des disputes comme ça, alors dans ce cas-là c'est pas permis de faire ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement ne faites pas de préférence entre les prophètes. Donc il a interdit de faire de la préférence entre les prophètes. Et si c'est dans le sens de rabaisser un par rapport à l'autre, ou de faire de vouloir se vanter de un par rapport à l'autre, mais si c'est comme on a dit pour montrer la grâce d'Allah que Allah a accordé à l'un d'entre eux sur les autres, alors dans ce cas-là c'est permis. Après, le cheikh il mentionne des caractéristiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, donc cheikh l'islam il dit khatimun nabiyyin wa imamul muttaqin. Donc ça c'est des caractéristiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est le dernier des messagers, khatim, c'est-à-dire celui qui vient sceller il vient sceller la série des prophètes qui sont venus les uns après les autres. Lui, il vient terminer ça, il vient mettre le sceau dessus pour le fermer, hein, pour conclure, hein, la série de prophètes qui se sont succédés. Et il est imamul muttaqin, donc c'est le meilleur des l'imam, le guide, hein, des pieux ou de ceux qui se préservent d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui obéissent à Allah et qui s'écartent de ce qu'il a interdit. Donc le cheikh il mentionne ça, puis après il explique que, donc le cheikh il explique ensuite, il dit wa qala azza wa jal ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin. معنى خاتم النبيين أنه لا يأتي بعده نبي إلى أن تقوم الساعة، فلا بد من اعتقاد هذا أنه خاتم النبيين، أنه خاتم النبيين، وأنه لا يبعث نبي بعده، فمن أجاز أن يبعث بعده نبي فهو كافر، لأنه مخالف للقرآن، وخاتم النبيين ومخالف للسنة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وأخبر أنه يأتي من بعده كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، قال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فمن أجاز أن يأتي بعده نبي فهو كافر، ولذلك كفر المسلمون القديانية الذين زعموا أن أحمد القدياني نبي، كفرهم المسلمون، أجمع المسلمون على تكفيرهم ومنعوهم من الحج ومن المجيء إلى مكة لأنهم كفار. Donc, le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad n'était le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il était le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Et la signification du sceau des prophètes, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun prophète qui vont venir après lui jusqu'à l'heure de la résurrection. Donc, ça c'est une croyance qui est obligatoire. C'est obligatoire pour quelqu'un de croire que il est le dernier des messagers et des prophètes et qu'il n'y aura pas de prophète après lui. Donc celui qui permet ou qui pense que c'est permis de croire qu'il y a un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il est mécréant. Il n'est pas musulman celui-là. Parce qu'il a contredit le Coran. Le Coran qui dit وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Donc il est le dernier des prophètes, et ça c'est mentionné dans Sourate Al-Ahzab, hein? Donc c'est un verset qui est explicite et clair, le verset 40 dans Sourate Al-Ahzab. Et ensuite aussi il mentionne dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam que il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis le sceau des prophètes, il n'y aura pas de prophète après moi. Et il a informé également la Ummah qu'il allait y avoir après lui 30 menteurs, 30 faux prophètes. Chacun d'entre eux prétend être un prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le dernier des prophètes, il n'y aura pas de prophète après moi. Donc quiconque vient après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et se déclare prophète ou se déclare messager, automatiquement il est kafir. Et celui qui croit en lui, celui qui croit en celui qui se prétend prophète, il est kafir lui aussi. Naam. Donc, le cheikh, il explique que c'est pour cette raison-là que les musulmans, ils ont déclaré la secte des Qadianiyyah kuffar. Les musulmans ont considéré les Qadianiyyah comme étant des kuffar. Et ce sont ceux qui prétendent que Ghulam Ahmad al-Qadiani était un prophète. Donc, à cause de ça, les musulmans les ont considérés comme étant des kuffars. Et tous les musulmans se sont tous entendus et sont tous d'accord sur leur takfir et sur le fait que ce sont des mécréants. Ce ne sont pas des musulmans, ces gens-là. Et ils ont même été interdits de faire le hajj et de venir à Mecca. Pourquoi? Parce que ce sont des kuffars, ils ne sont pas musulmans. Donc, ça c'est important de le comprendre, parce que ce groupe de mécréants sont maintenant en train d'essayer de se propager. Même au début, c'était surtout chez les anglophones dans le monde, et maintenant ils commencent même à essayer de se propager dans les pays francophones aussi. Et donc ils ont ouvert, même ici à Montréal et dans d'autres places au Québec, des lieux où ils se réunissent et ils appellent les gens à accepter leur voix. Et yani, Allah al-Musta'an, ils ont même dans certaines villes au Canada des grandes mosquées, puis même un quartier où ils sont tous réunis ensemble. Et donc c'est pour ça qu'il faut savoir que ces gens-là, ils ont une da'wah, et qu'il faut se méfier de ça, puis avertir les gens contre eux pour pas se laisser tromper. Yani, parce que c'est des gens égarés. Yani. Il y a des choses qu'ils font, oui, ils prient comme les musulmans et tout, mais c'est pas des musulmans. Yani. Ils croient, celui qui croit qu'il y a un autre messager après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas musulman, même s'il se prétend musulman. Et le cheikh, il explique ensuite que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est imam al-muttaqin, l'imam des gens qui ont la taqwa, qui se préservent d'Allah et de son châtiment. Et le cheikh, il explique, il dit, wa sayati, hada sayati, kayfa yakunu imam al-muttaqin. Yani yati hada bi annahu awwalu man yub'ath wa awwalu man yustaftah bab al-jannah. وأن الناس يكونون يوم القيامة تحت ولا لوائه صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que le cheikh dit, ça on va l'expliquer plus tard, comment est-il l'imam des pieux, et comment il dit, c'est, on va expliquer que c'est parce que c'est le premier qui sera ressuscité, et c'est le premier pour qui la porte du paradis sera ouverte. Et les gens, au jour de la résurrection, seront sous sa bannière. Hein? Ça, on va l'expliquer. Le shaykh dit, « Wa sayyidu waladi Adam, wa imamu l'anbiya'i idha jtama'u, wa khatibuhum idha wafadu. » Donc, « Sayyidu waladi Adam », c'est-à-dire le chef des fils d'Adam, hein? Le maître des fils d'Adam. Et Imam al-Anbiya, l'imam, le guide des prophètes, hein, le leader, si on veut, des prophètes, lorsqu'ils sont réunis. Et c'est lui celui qui fait le sermon lorsqu'ils sont envoyés. Et c'est lui, lorsqu'ils sont ensemble, c'est lui qui fait le sermon pour les autres. C'est lui qui fait la khutbah pour les autres. Et ça, c'est mentionné dans les hadiths. Il y a des hadiths à ce sujet-là. Donc, le cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, « قال صلى الله عليه وسلم, أنا سيد ولدي آدم ولا فخر, وهذا من باب التحدث بنعمة الله, لا من باب الفخر أو تنقص المفضول, وإنما هو من التحدث بنعمة الله. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit je suis le maître des fils d'Adam et il n'y a pas de vantardise dans ça. C'est-à-dire je dis pas ça pour me vanter, c'est uniquement pour parler de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour se vanter ou pour dénigrer celui qui est moins méritoire que lui, uniquement pour parler de la grâce d'Allah. L'autre point qui est mentionné, que c'est lui qui sera l'imam des prophètes lorsqu'ils seront réunis. Et Cheikh Al-Fawzan il dit وَهَذَا عِنْدَ اللَّهِ يعني لِذَلِكَ لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ الْأَنْبِيَاء فَصَلَّ بِهِمْ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَصَارَ إِمَامَهُمْ فَصَارَ إِمَامَهُمْ. Donc le Cheikh il explique que ça c'est auprès d'Allah lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait voyager vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit vers Bayt al-Maqdis. Il a réuni les prophètes avec lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière et c'est lui qui a dirigé les prophètes en prière. Hein? Alors il est devenu l'imam des prophètes à cause de ça. Et il explique ensuite, il dit وَإِذَا وَفَدُوا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَإِنَّهُ يؤذن له بالكلام صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Donc il dit que lorsque les gens vont être يعني tous vont tous aller devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va donner la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de parler. Parce que ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat An-Naba, le verset 38, personne ne va parler excepté celui à qui Allah aura donné la permission de parler, excepté celui à qui Ar-Rahman va lui permettre de parler, وَقَالَ صَوَابَ, qui va dire une parole droite, une parole qui est correcte. Ensuite, le Cheikh il mentionne d'autres caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Cheikh il dit صَاحِبُ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ الَّذِي يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a le statut de gloire. Hein? Que tout le monde vont le remercier et vont l'envier, yani les premiers et les derniers vont l'envier pour cette grâce-là qu'Allah lui a donnée. Et yani, l'explication de ça, c'est comme le Cheikh Al-Fawzan il le dit, Al-Maqam al-Mahmoud, hadha aydan min fada'ilihi, sallallahu alayhi wa sallam, mimma faddalahu Allah bihi, ala ghayrihi min al-anbiya, wal-Maqam al-Mahmoud. هو الشفاعة العظمى حينما يشتد القيام على الخلائق في المحشر ويطلبون من يشفع لهم عند الله ليفصل بينهم ويريحهم من الموقف فيتقدمون إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كلهم يعتذر ثم ينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيخر ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا يزال ساجدا يدعو ربه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع في الخلائق بأن يحاسبهم الله يعني يصرفهم من الموقف الطويل الذي شق عليهم 50,000 سنة وهم وقوف على أقدامهم وهذا هو المقام المحمود ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى إن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده عليه الأولون والآخرون. Donc le Cheikh il explique que le statut de gloire, ça c'est également parmi les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi les grâces d'Allah sur lui par rapport à tous les autres prophètes. Et le statut de gloire, c'est la grande intercession au jour de la résurrection lorsque la tente des créatures dans le lieu de rassemblement au jour de la résurrection va devenir très dure et très longue et très difficile, et les hommes vont chercher quelqu'un vers qui ils vont pouvoir retourner pour pouvoir intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse commencer son jugement et pour qu'ils puissent être reposés de cette longue attente debout. Alors ils vont se diriger vers Adam alayhi salam, et ensuite vers Ibrahim, et ensuite vers Moussa, et ensuite vers Isa, et chacun d'entre eux va s'excuser. Je ne peux pas. Chacun d'entre eux va s'excuser, il va dire je ne peux pas, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il va dire ana laha, c'est moi qui a été, c'est moi qui est pour cette intercession là. Alors il va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il va rester prosterné en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide de lui dire ô Muhammad, lève ta tête et dis tu seras entendu, et demande, on te donnera ce que tu demandes, et intercède et tu seras intercédé, c'est-à-dire tu pourras intercéder pour ce que tu veux. Et donc il va intercéder pour les créatures pour que Allah subhanahu wa ta'ala commence leur jugement, et pour qu'il détourne d'eux cette longue attente qui est très dure, puisqu'elle dure 50 000 ans. Un jour qui dure 50 000 ans, et ils sont debout sur leurs pieds. Ici dans cette vie d'ici-bas, tu vas aller au magasin, tu vas rester 15 minutes debout ou 10 minutes debout, déjà tes pieds te font mal. 50 000 ans al-mawqif, au jour de la résurrection. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de ça, puisque il va intercéder pour les créatures, toutes les créatures vont être contentes et vont le glorifier pour ça. Et c'est pour ça qu'on appelle cette intercession al-maqam al-mahmoud, comme c'est mentionné dans le verset 79 dans sourate al-Isra, et de la nuit prend une partie de la nuit pour faire des prières surérogatoires. Et Allah va te ressusciter, ton Seigneur va te ressusciter dans un statut de gloire. Et il sera glorifié par les premiers et les derniers d'entre les hommes. Ensuite, parmi les autres caractéristiques de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Cheikh il dit, Cheikh l'Islam, il dit wa sahibu liwa al-hamd wa sahibu al-hawd al-mawrud wa shafi'ul khalaiq yawm al-qiyamah. Donc parmi les caractéristiques qui ont été mentionnées à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui va tenir la bannière de gloire, et c'est lui qui aura le bassin le al-hawd, le bassin dans lequel il y aura le breuvage duquel les croyants vont boire au jour de la résurrection. Et c'est l'intercesseur des créatures au jour de la résurrection. Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit al-liwa huwa ar-rayatu allati yajtami'u tahtaha al-jund. Donc quand on parle en arabe de al-liwa, c'est une bannière autour desquelles les armées se réunissent et se rassemblent pendant la guerre. Donc dans la guerre, il y avait des bannières pour chaque armée, et celui qui tient la bannière, les autres le suivent. Il est comme un indicateur pour indiquer aux gens où se tient qu'est-ce qu'ils doivent faire, où est-ce qu'ils doivent aller, et qu'est-ce qu'il y en a. C'est comme un indicateur. Puis en même temps, la bannière de l'islam. Donc c'est tenu par ceux qui sont à la tête de chaque régiment ou des choses comme ça. Et ça, c'est au jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura une bannière comme ça, la bannière de la gloire. Et ça, c'est mentionné, il mentionne le cheikh un hadith, il dit « Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyama wala fakhr, wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. » Et c'est rapporté par At-Tirmidhi selon Abu Sa'id al-Khudri et Ahmad et Ibn Hibban et Al-Hakim et d'autres également. Ensuite, en ce qui concerne l'autre parole qu'il est celui qui aura le bassin, il dit الذي جاء وصفه في الأحاديث أنه حوض طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا وهذا لمحمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que ce qui a été décrit ici dans les hadiths, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura un bassin dans lequel il y aura un breuvage et que les croyants vont en boire. Sa longueur est d'un mois et sa largeur est la distance d'un mois aussi. Deux mois de voyage, une distance d'un mois et d'une longueur d'un mois. Et donc, on dit que son breuvage, le breuvage dans ce bassin, il est plus blanc que le lait et il est plus sucré que le miel. Et celui qui en boira une seule gorgée, il n'aura plus jamais soif après. Et ça c'est pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'il y a des narrations qui mentionnent que chaque prophète aura un bassin comme ça aussi. Le liquide qui est dans ce bassin, c'est un liquide qui coule de Al-Kawthar, qui est une rivière dans le paradis, et qui descend jusque dans le bassin. On dit que les contenants desquels les croyants vont boire sont plus nombreux que le nombre des étoiles dans le ciel. Naam. Et le cheikh il dit ensuite Shafi'ul Khala'iq kama sabaqa fil maqam al mahmoud. Shafi'ul Khala'iq. Donc comme on l'a expliqué par rapport au statut de gloire, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va intercéder pour toutes les créatures au jour de la résurrection. Ensuite, parmi d'autres caractéristiques, il est décrit comme étant sahibul wasilati wal fadila alladhi ba'athahu bi afdali kutubihi wa shara'a lahu afdala shara'i'ihi shara'i'i dinihi wa ja'ala ummatahu khayra ummatin ukhrijat lin nas. Donc il l'a décrit comme étant sahibul wasila wal fadila, yani صاحب الوسيلة وهو القصر الذي في الجنة. Donc le cheikh explique que al-wasila c'est un château ou un palais qui est dans le paradis. Sallallahu alayhi al-wasila fa innaha manzilatun fil janna la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li al-wasila halat lahu ash-shafa'a. Donc le cheikh il explique comme c'est rapporté par Muslim selon Abdullah ibn Amr, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit demandez à Allah pour moi al-wasila, et c'est une maison ou une demeure dans le paradis que personne excepté un parmi les serviteurs d'Allah pourra obtenir, et je souhaite que ce soit moi. Et il dit donc celui qui demandera pour moi al-wasila, eh bien il aura mon intercession. C'est pour ça que après l'adhan on dit Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Donc c'est ça. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec le meilleur de ses livres et à qui il a légiféré la meilleure des lois, la meilleure des législations de sa religion. Le cheikh il dit وَمِنْ فَضَائِلِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّ شَرِعَتَهُ هِيَ أَفْضَلُ الشَّرَائِعِ كَامِلَةٌ شَامِلَةٌ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَبَاقِيَةٌ لا تنسخ إلى أن تقوم الساعة. وأيضا الكتاب الذي أنزله عليه أفضل الكتب على الإطلاق. القرآن هو أفضل الكتب الإلهية على الإطلاق. Donc le Cheikh il dit, parmi les mérites du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur les autres prophètes, c'est que sa législation, c'est la meilleure des législations. Elle est complète et parfaite. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Et elle sera également permanente, c'est-à-dire jusqu'à l'heure du jugement dernier, elle ne sera pas abrogée. Hein? Et il dit également que c'est également un livre que Allah a fait descendre et qui est meilleur que tous les autres qui ont été révélés auparavant. Et donc le Coran c'est le meilleur de tous les livres divins, hein, par excellence. Il dit ensuite wa ja'ala ummatahu khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Il a fait de sa nation la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Et il explique le Cheikh kama qala 'azza wa jalla kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. فهم خير للناس في أنهم يدعون إلى الله يعملون يعلمون ويجاهد يعني يعلمون نعم أنه فهم خير للناس في أنهم يدعون إلى الله ويعلمون ويجاهدون في سبيل الله لينشروا هذا الدين ويخرجوا الناس من الظلمات إلى النور فخيرهم ليس قاصرا عليهم وإنما يتعدى للناس كافة وهذا واضح في جهاد المسلمين ونشر هذا الدين في المشارق والمغارب حتى أنقذ الله به أمما من الكفر ومن الضلال ومن النار ومن الجهل. للشيخ الزي De même que Allah Azza wa Jal, il dit, vous êtes la meilleure des nations qui est sortie pour les hommes. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah. Et il dit, donc ils sont les meilleurs hommes. Pourquoi? Parce qu'ils appellent à Allah, ils invitent les hommes à Allah, et ils enseignent, hein, la vérité aux gens, et ils luttent dans le sentier d'Allah pour propager cette religion. Et ils font pour faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière. Et il les fait. Et donc, ce sont eux les meilleurs parmi les hommes, parce que leur bien ne se limite pas uniquement à eux-mêmes. Hein? Mais il est transmis à tous les hommes. Hein? C'est pas comme les Juifs, par exemple, qui ont reçu une révélation et ont reçu un message, mais ils le gardent que pour eux. Ils vont pas prêcher aux autres peuples sur terre pour les appeler à la vérité. Ils le gardent que pour eux seulement. Et nous, les musulmans, au contraire, on n'a pas le droit de garder le message pour nous seulement. Le message doit être transmis à toute l'humanité sans exception. Tout le monde doit être appelé à la vérité. Et ça, c'est clair dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le djihad pour propager la religion à l'est et à l'ouest de la terre, et pour faire sorte et pour sauver les hommes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que de nombreuses nations soient sauvées de la mécréance et de l'égarement, hein, et du feu de l'enfer et de l'ignorance. Donc ça fait partie des particularités de cette umma. Na'am. Oui, parce que justement c'est vrai, parce que ils n'ont pas cru au prophète. Ils n'ont pas cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça. S'ils avaient cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient su que le message d'Allah doit être propagé pour tout le monde. Mais étant donné qu'eux, ils se basent sur la charia de Moussa alayhi salam, et que la charia de Moussa, Allah l'a envoyé uniquement à son peuple, à lui, donc ils pensent que eux, ça se limite uniquement à ça. Et tous les autres messagers, et les messagers qui sont venus après, comme Isa alayhi salam et Muhammad alayhi salatu wassalam, ils refusent de croire en eux. À cause de ça, ils se sont retrouvés, hein, fermés sur eux-mêmes, et avec une législation ou une religion qu'ils ne savent même plus comment l'appliquer tellement elle n'est plus applicable à cette époque. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait fait la miséricorde de leur envoyer des messagers, le prophète Isa alayhi salam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour les libérer de ce carcan dans lequel ils sont. Mais ils ont, au lieu de vouloir l'accepter et d'y croire, ils ont préféré le rejeter. Alors, à cause de ça, ils sont pris dans ce genre de cercle vicieux maintenant dans lequel ils se trouvent. Barakallahu fik. Ça, c'est un bon point, qu'est-ce que tu dis. Il dit, وَجَمَعَ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْمَحَاسِنِ مَا فَرَّقَهُ فِي مَنْ قَبْلَهُمْ وَهُمْ آخِرُ الْأُمَمِ خَلْقًا وَأَوَّلُ الْأُمَمِ بَعْثًا كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِيْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَأُوتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَأُوتِيْنَاهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ يعني فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعة فهدانا الله له الناس لنا تبع فيه غدا لليهود وبعد غد للنصارى. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a réuni pour nous, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour sa umma toutes sortes de mérites et toutes sortes de bonnes qualités qui les ont séparés de ceux qui les ont précédés. Et ce sont eux qui sont les derniers qui ont été créés parmi les nations, c'est-à-dire la Ummah de l'Islam, c'est la dernière Ummah, mais ils seront les premiers ressuscités au jour de la résurrection. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le mentionne dans le hadith, nous sommes les derniers et nous serons les premiers au jour de la résurrection. Nahnu al-akharun as-sabiqun. As-sabiqun yawm al-qiyamah. Donc on est les derniers créés mais on sera les premiers. Même les chrétiens ils disaient ça, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. C'est comme ça. Les premiers qui ont été créés dans les différentes nations, ils vont être les derniers à être ressuscités et à être jugés. Et il dit que malgré qu'on a reçu le livre après eux, et eux l'ont reçu avant nous leur livre, et nous on l'a reçu après eux, il dit, et ça c'est notre jour, c'est-à-dire le jour du vendredi, sur lequel eux ils ont divergé. Allah nous a guidés à ce jour et les gens nous suivent par la suite. Les juifs sont demain et les chrétiens sont après-demain. C'est-à-dire, les juifs sont le samedi, leur fête, leur jour sacré c'est le samedi, puis les chrétiens c'est après-demain, c'est-à-dire c'est le dimanche. Et nous on est le vendredi, on est les premiers. Ouais, en fait, on va l'expliquer ça, Inch'Allah, si on a le temps d'arriver jusque-là, parce que il reste pas beaucoup de temps. Mais on va essayer d'arriver jusqu'à ce point-ci dans le hadith, Inch'Allah. Donc, il dit, وَجَمَعَ فِيهِ جَمَعَ مَا فَرَّقَ جَمَعَ مَا فَرَّقَهُ يعني لِأَنَّ الْجَمْعَ ضِدُّ التَّفْرِيقِ يعني فَهُمْ اجْتَمَعَتْ فِيهِمْ الْفَضَائِلِ الْمُتَفَرِّقَةِ فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ. Donc il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a réuni dans notre umma, dans le prophète et dans sa umma des mérites et des belles qualités qui étaient séparées dans les différentes ummas qui ont précédé. Et Allah les a réunis dans cette umma. Et il dit ensuite akhir al-umam khalqan ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hiya akhir al-umam وبعدها تقوم الساعة وهم أول الأمم بعثا إذا بعث الناس من قبورهم فهم أول من يبعث وأول الأمة أول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة صلى الله عليه وسلم فهم وإن كانوا متأخرين في الخلق إلا أنهم السابقون في البعث نحن الآخرون يعني في الخلق السابقون في البعث يوم القيامة donc le cheikh il dit on est les derniers à avoir été créés la umma de Muhammad c'est la dernière umma après nous c'est le jour de la résurrection c'est l'heure du jugement donc yani eux sont les premières nations yani hum awwal al-umam ba'athan c'est ça la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est la première qui sera ressuscitée même si c'est la dernière qui a été créée et c'est eux qui sortiront de leur tombe en premier lorsque les hommes vont sortir de leur tombe et ressusciter et le premier qui sera ressuscité de toute la umma c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le premier pour qui la terre va se fendre au jour de la résurrection même si nous étions créés après les autres nations excepté que nous serons les premiers à être ressuscités et il dit ensuite et nous serons les derniers nous sommes les derniers dans la création et nous serons les premiers au jour de la résurrection يعني بيد أنهم أي من أجل أنهم يعني بيد أنهم بمعنى من أجل أي بمعنى التعليل يعني بيد أنا عربت لي بيد en voulant dire من أجل من أجل بيد أنهم يعني من أجل يعني التعليل لأننا أوتينا الكتاب من بعدهم وأوتوا الكتاب من قبلنا فهي تعليلية يعني بيدة تعليلية يعني ما سبب أننا السابقون يوم القيامة لأننا أوتينا الكتاب من بعدهم قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يعني تأمل الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم يدخلون الجنة ولله الحمد والمنة فهو صلى الله عليه وسلم أورث هذه الأمة الكتاب الذي هو القرآن المهيمن على الكتاب التي قبله المصدق لها بيد أنهم قيل إنها معنى غير يعني أي غير أنهم يعني أوتوا الكتاب من قبلنا وقيل إنها تعليلية أي لأجل أننا أوتينا الكتاب والشيخ يرجح هذا يرجح أنها بمعنى لأن يعني أوتينا الكتاب يعني تعليلية كما ذكر هذا في اقتضاء الصراط المستقيم donc le شيخ il explique que la raison pour laquelle on sera les premiers à être ressuscité au jour de la résurrection, c'est parce que nous avons reçu le livre après eux. Et il mentionne le verset 32 à 33 dans Surat Fatir. Et on va lire la signification de ce verset-là. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Et il y en a parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par leurs bonnes actions telle est la grâce infinie d'Allah et après il dit les jardins ils entreront les jardins d'Éden où ils entreront parés de bracelets en or ainsi que de perles et là leur vêtement sera de soie donc c'est pour dire que le cheikh il dit regarde celui qui se fait du tort à lui-même celui qui est sur une voie moyenne et celui qui devance tous les autres dans les bonnes œuvres, ils vont tous entrer au paradis par la gloire d'Allah et par sa faveur et Allah subhanahu wa ta'ala il a fait à cette umma hériter du livre qui est le Coran. et qui a le dessus sur tous les livres précédents et qui vient confirmer ce qu'il y a dans les livres précédents aussi. Naam. Ensuite, le cheikh il explique la suite du hadith. Et naam, il dit: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ فَضْلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَ لَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَيْنَمَا الْيَهُودِ أخذوا يوم السبت والنصارى أخذوا يوم الأحد فالله عز وجل اختار لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم الذي تجتمع فيه الفضائل فيه خلق آدم فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وأخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فهو يوم الجمعة اختاره الله لهذه الأمة أما اليهود فهم أخذوا يوم السبت والنصارى يعني أخذوا اختلفوا في اليوم الذي يجعلونه يوما للعبادة اليهود والنصارى اختلفوا في اليوم الذي يجعلونه يوما للعبادة فاليهود أخذوا يوم السبت والنصارى أخذوا يوم الأحد لماذا؟ قالوا لأن السبت هو اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق السماوات والأرض وقالت النصارى الأحد الذي بدأ الله فيه خلق السماوات والأرض لأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحد يعني وآخرها يوم الجمعة فاليهود زعموا أن الله استراح يوم السبت لأنه تعب من خلق السماوات والأرض تعالى الله عما يقولون ولهذا قال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن يعني لم يتعب العي هو التعب فهذا رد على اليهود زعموا أن الله استراح من التعب في يوم السبت فهم يعطلون فيه ويتعبدون فيه وهذا زعم باطل النصارى أخذوا يوم الأحد لأنه هو بداية الخلق لكن الجمعة كمال الخلق يعني أيهما أفضل البداية أو الكمال الكمال فاختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة ولهذا ما حسدون على شيء مثل ما حسدون على يوم الجمعة فهذا يدل على فضل هذه الأمة أن الله اختار لها أفضل الأيام يوم الجمعة فيوم الجمعة هو اليوم الأول وهو صار تبعا بعده وهم صاروا تبعا بعده صار يوم السبت والأحد بعد يوم الجمعة فصار السبق لهذه الأمة ولله الحمد. Donc le cheikh il explique, on va traduire ça puis on va s'arrêter. Le cheikh il dit, parmi les choses qui indiquent le mérite de cette umma, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour elle le jour de Jumu'ah comme jour d'adoration spécifique. Et tandis que les juifs ont pris le samedi et les chrétiens ont pris le dimanche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi pour cette umma le vendredi, Yawm al-Jumu'ah. Parce que c'est le jour dans lequel il y a plein de mérites qui sont réunis et plein de choses qui sont réunies, qui sont des choses méritoires. L'exemple de ça, c'est comme la création de Adam alayhi salam et le jour dans lequel il est rentré au paradis et le jour dans lequel il en est sorti et le jour dans lequel aura lieu l'heure du jugement dernier et il y a dans l'heure de la journée du vendredi, il y a dans le vendredi une heure que si un serviteur croyant demande quelque chose à Allah, Allah va lui donner. Ça c'est le vendredi, c'est particulier à la journée de vendredi et c'est Yawm al-Jumu'ah et Allah subhanahu wa ta'ala il l'a choisi donc cette journée là pour cette umma, tandis que les juifs eux ils ont pris le samedi et les chrétiens eux ils ont pris le dimanche et les juifs et les chrétiens ils ont divergé entre eux à propos du jour qu'ils devaient prendre comme jour d'adoration et les juifs ont pris le samedi et les chrétiens ont pris le dimanche. Pourquoi? Eh bien, parce que le jour du samedi, c'est le jour dans lequel Allah a terminé la création des cieux et de la terre. Et les chrétiens ont dit, le dimanche, c'est le premier jour, le jour dans lequel Allah a commencé la création des cieux et de la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre en 6 jours. Le premier jour qui était le dimanche, et le dernier, le samedi. Le dernier, le vendredi. Et les juifs, eux, ils ont prétendu que le samedi, Allah s'est reposé parce qu'ils prétendent qu'il était fatigué d'avoir créé les cieux et la terre. Hein? Que Allah soit exalté de ce que ces gens-là prétendent. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il les réfute dans le Coran, dans le verset 38, dans surat Qaf, lorsqu'il dit, nous avons créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre les deux en 6 jours, et aucune fatigue ne nous a touchés. Hein? Et le verset 33 dans surat Al-Ahqaf, dans lequel il dit, n'ont-ils pas vu que Allah a créé les cieux et la terre, et qu'aucune fatigue ne l'a touché par rapport à leur création? Hein? Donc ça, c'est une réfutation des juifs qui prétendent que Allah s'est reposé, hein, d'une fatigue le samedi. Et donc eux, ils prennent un congé le samedi, et ils prennent ce jour-là comme un jour de prière, d'adoration. Et ça, c'est une pensée qui est totalement fausse. Il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, tandis que les chrétiens, eux, ils ont pris le dimanche parce que c'est le début de la création, mais le vendredi, c'est le complément, hein, le fait que Allah a complété la création. Qu'est-ce qui est mieux, le début ou lorsque la chose est complète, la création est complète, c'est mieux que son début. Et Allah, il a choisi le vendredi pour cette umma, et ils ne nous ont pas enviés pour une chose plus que ils nous ont enviés pour le jour du vendredi, et ce qui montre en réalité le mérite de notre umma, puisque Allah a choisi le meilleur jour pour cette umma, qui est le jour du vendredi. Et quand on regarde dans l'ordre, hein, c'est le jour qui vient en premier. Vendredi, il vient avant samedi, il vient avant dimanche. Et eux, ils nous suivent. Donc, on est devenus, hein, à cause de ça, on les précède. Malgré qu'on est venu après eux, on a reçu le livre après eux, mais on les précède dans le mérite et dans le jour du vendredi. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته